Dhammapada. Verser sur soi-même. Si tu es cher à ton propre cœur, sois vigilant. Le sage doit monter la garde constamment en développant la vertu avec énergie à tous les stades de sa vie. Veille d'abord à t'établir dans ce qui est vrai. Ensuite seulement pourras-tu guider. Ainsi ton nom ne sera pas entaché, toi, le sage. Si tu agis comme tu conseilles aux autres de le faire, alors, bien entraîné, vas-y, entraîne les autres. Car il est bien connu que le plus difficile est de se maîtriser soi-même. Tu es ton propre pilier, ton propre maître. Qui d'autre pourrait l'être ? Quand tu t'es bien entraîné, bien maîtrisé, tu deviens ce pilier si difficile à trouver. Le mal qu'un être inconscient a commis est né de lui, il vient de lui. Ce mal le broie aussi sûrement qu'une pierre précieuse est broyée par le diamant. L'homme prisonnier du vice, autant que l'arbre par les lianes étouffées, se fait à lui-même tout le mal que seul un ennemi pourrait lui souhaiter. Ils sont faciles à faire les choix qui ne sont ni bons ni utiles pour soi. Mais réaliser ce qui est bon et utile est vraiment très difficile. Si, aveuglé par une vision erronée, un inconscient critique l'enseignement des éveillés, des êtres nobles, vertueux et bons, il adviendra de lui comme du bambou. Les fruits qu'il portera le détruiront. C'est seul que l'on agit mal, seul que l'on s'avilit. C'est seul que l'on abandonne le mal, seul que l'on se purifie. Pureté et impureté sont notre propre fait. Nul ne purifie un autre et nul autre ne peut nous purifier. Ne néglige pas ton progrès spirituel au profit d'autrui, si grande soit la cause. Comprenant clairement ce qui est bon pour toi, ne te consacre qu'à cela.